Je suis sur une autoroute comportant trois voies. La voie dans laquelle je suis est une voie de circulation normale. La voie de droite est trop longue pour être une voie d'accélération. Et une bande d'arrêt d'urgence est faite avec des lignes beaucoup plus longues. En fait, cette voie est réservée aux véhicules lents, c'est-à-dire à ceux ne pouvant excéder dans cette côte une vitesse de 60 km/h. Réponse B.